Allô, allô? Allô, l'ami Vilude? Oui, ici, agent infiltré meunier, au rapport. Oui, donc, je poursuis mon infiltration dans le milieu du jeu de rôle. Et voilà, je viens vous faire mon rapport. Et, comment dire? C'est critique, c'est critique, c'est critique. Vraiment, effectivement, c'est des déviants. Hein, ils m'obligent à lancer des dés. Ils me font aller dans des mondes qui n'existent pas. Je sens que ma santé mentale vacille. Qu'est-ce que je dois faire? Comment ça, l'infiltration doit se poursuivre? Vraiment? Non, mais c'est vraiment dur, là. Psychologiquement, c'est difficile, hein. En plus, il me propose d'incarner des personnages qui ne sont pas du genre masculin. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi! Dites-moi! Ah! Salut! Cet appel n'a jamais eu lieu. Bienvenue à toi, jeune drôliste et moins jeune. Monsieur, madame, personne non binaire, voilà, encore une vidéo à l'arrache pour un sujet pourtant crucial. Comment commencer à maîtriser du jeu de rôle? Ben, c'est pas facile de se lancer et tout. Heureusement, tonton Thomas est là pour ça. Je vais t'expliquer comment faire. Alors, tout d'abord, on commence par il te faut pour maîtriser du jeu de rôle. Il te faut un écran de jeu, déjà, c'est très important, un écran de jeu. C'est celui-là, je l'ai fait moi-même. Hop, mais de mémoire, c'est ma petite sœur qui a fait la reliure. Moi, je te fais un bisou. Et hop, et à quoi sert l'écran de jeu? Bah, c'est pas compliqué. Et tu as ton écran de jeu comme ça. Et hop, il te faut aussi des dés. Et tu lances les dés comme ça derrière l'écran. Voilà. Tu fais semblant de regarder les résultats. Enfin, c'est important, il faut que les bruits faut que les dés aient fait du bruit. Hein. Donc tu sélectionnes ton support, là, c'était pas top. On recommence comme ça là. Là, on a un bruit de dés satisfaisant. Signe que les dés ont bien roulé. Donc tu fais semblant de regarder les résultats du dé, mais en fait, tu t'en fiches. Et puis tu dis. Alors, il faut prendre un air bien. Oh. Je suis vraiment désolé, mais l'orque a fait un succès critique. Ton personnage est décédé. Bon, voilà. Donc ça, c'était vraiment déjà les conseils de base, hein, parce que c'est important de commencer par le début. Je vais essayer de te donner un peu plus d'idées. Voilà, hein, toujours en toute modestie, hein, bien sûr. Hein. De toute façon, si je dis de la merde, ben, tu peux me le faire savoir dans les commentaires, il n'y a pas de souci. On en discutera. Alors, ouais, moi, honnêtement, c'est un sujet important pour moi. Parce que ce soit en club, en convention ou ailleurs, je vois beaucoup de personnes qui seraient intéressées, tu vois, à être MJ et qui n'osent pas se lancer. Clairement, il y a gros, gros problème à la fois de légitimité et puis de ne pas savoir par où commencer, quoi. Alors bien sûr, si toi t'as aucun problème et que ça se... Enfin, déjà, premier conseil, limite, lance-toi, fais le truc et tu vas voir, ça se trouve, du moment que tu seras en train de rouler les dés, eh ben, tout soupçon s'arrêtera, puis ça va super bien le faire, quoi. Hein. Mais bon, on va partir du principe que tu as des difficultés, et donc je vais m'adresser à toi dans ce sens-là. Première chose, il faut que tu te dises que souvent, en fait, tu vas être freiné par rapport à ton MJ habituel. Tu diras quand même. Enfin voilà, il y a souvent un truc par rapport au MJ. C'est pas si complexe du père ou quoi. On va pas faire de psycho ou de la mère. Hein. On va pas faire de psychologie de comptoir. Mais donc, du coup, pour te débloquer de ce truc, est-ce qu'il faut que tu aies l'autorisation du MJ de départ et tout? Souvent, la personne qui t'a initié au jeu de rôle, dis-toi que de toute façon, ton MJ habituel, dans 99% des cas, va être heureux, heureuse que tu reprennes le flambeau. Donc, go for it, quoi. Ensuite, bon, partant de là, bah, qu'est-ce qu'il te faut? Bon, là, on est sur un dispositif traditionnel. Bah, il te faut un scénario. Alors, tu as plusieurs options. Tu peux bah, prendre un scénario du commerce. Alors, un conseil, ne prends pas n'importe quel scénario. Regarde le nombre de pages. Regarde le nombre de pages que fait le scénario que tu veux. Et dis-toi, est-ce que je suis rassuré par ce nombre de pages? Est-ce que j'ai l'impression que ça fait assez? Est-ce que j'ai l'impression que ça fait trop? Pas assez, tu vois? Et donc, c'est toi, uniquement toi, qui va juger à peu près au nombre de pages si tu te sens rassuré ou pas, quoi. Et donc, si le scénario fait pas la bonne taille, essaie d'en trouver un autre qui fasse la taille adaptée à toi ensuite. Bien sûr, tu peux aussi faire toi-même ton scénario sur mesure. J'ai fait une vidéo là-dessus. Alors, moi, j'ai envie de te dire, fais un scénario simple pour commencer, mais peut-être qu'au contraire, tu vas tenir à écrire un scénario touffu, que ça, c'est ça qui va te rassurer, un scénario où toutes tes options sont prévues, quoi. Dans ces cas-là, go for it, à nouveau, c'est à toi d'évaluer la taille de scénario qu'il te faut pour te lancer. Et puis, si tu te rends compte que tu as fait un scénario trop touffu, c'est pas grave, tu le feras en plusieurs séances, et puis c'est tout, quoi. Voilà, fait pour ton premier scénario, vraiment, en fait, la seule chose qui compte, où je suis, c'est la taille. Et c'est uniquement toi qui peux déterminer c'est quoi la bonne taille pour un scénario pour te lancer. Il y en a, c'est petit, il y en a, c'est grand. Enfin, bon, voilà, je vais arrêter avec les métaphores douteuses. Mais alors après, peut-être que toi, tu vas justement, le concept même de scénario, ça te fait friser. Et dans ces cas-là, il va falloir que tu joues en improvisant. Donc là, je te renvoie à ma vidéo sur l'impro. Je reviens à cette idée de MJ. Surtout, ne cherche pas à te comparer à ta ou ton MJ habituel qui a de l'expérience. Je vais te le dire, cash, il y a de fortes chances qu'au départ, tu ne lui arrives pas à la cheville. Et c'est normal, puisque elle, cette personne, elle a de l'expérience et toi, t'en as pas. Dis-toi que de toute façon, tout le monde, ta table habituelle, ton MJ habituel, les autres joueuses habituelles seront quand même heureux et heureuses de jouer avec toi, tu vois, même si ta partie n'est pas terrible. C'est pas grave, on va être dans l'enthousiasme de ça y est, tu t'y mets et tout, on a un nouveau MJ, ça c'est cool. Point supplémentaire, quand tu commences à jouer, demande l'indulgence de la table, tu dis bon, voilà, vous savez que c'est ma première partie, vous ne savez pas si peut-être que tu auras besoin de te lancer avec des inconnus en convention, tu vois. Et donc, explique, voilà, c'est mon premier jour, quoi, comme Homer, quoi, dans les Simpsons. C'est mon premier jour. Généralement, tout le monde, on t'excuse tout. Une fois que tu as dit ça, voilà, donc tu demandes l'indulgence de la table et ça va bien se passer. Toi-même, ça va te détendre. Voilà, les gens, ils ont eu l'info, ils savent que tu as le trac, ils savent que c'est ton premier coup et donc tout le monde va être cool avec toi. Alors, avant de passer à la suite des conseils. Enfin, il faut quand même que je te présente une appli qui a été conçue exprès pour toi. C'est une petite application, donc elle est sponsor de cette vidéo, hein, on la remercie beaucoup. C'est une petite application de MJ Sadik, en fait, eh bien, qui va t'aider justement à être un bon MJ Sadik, parce que c'est vraiment le truc difficile à faire quand on débute. Et donc, par exemple, ça génère des petits ricanements. Ou tac, hop, ça génère des échecs critiques automatiquement. Ou il y a plein de petites phrases du genre ah, je vous ai bien lu. Et là, votre commanditaire vous trahit. Oh, vraiment, cette application, c'est génial. De toute façon, moi, je lui dois toute ma réputation de MJ Sadik. Donc voilà. Et en plus, comme d'hab, tu as un petit code de réduction qui va bien. Si tu tapes Outsider 666, moi, je touche ma petite com où tout le monde est content. Alors, on a parlé de la notion d'expérience. J'ai dit un petit peu à brûle-pourpoint que toi, tu n'avais pas d'expérience. En fait, c'est faux. Oui, tu n'as pas d'expérience en maîtrise, mais tu as de l'expérience en dehors de la maîtrise. Déjà, tu as peut-être de l'expérience en tant que PJ, même si tu n'en as pas, si tu veux, tu as peut-être d'expérience en théâtre, je sais pas, en wargame, en jeu de société. En jeu vidéo, en dungeon crawl, enfin, tu as dû avoir de l'expérience dans un truc, et tu vois, à la rigueur, même, je n'importe quoi, tu as de l'expérience dans un truc qui a vraiment pas du tout clipsable avec le jeu de rôle, je sais pas, genre, t'es garagiste. T'as qu'à faire un scénario dans l'univers des garages et des mécanos et tout, et là, du coup, tu vas utiliser ce que tu sais, tu vas le mettre dans le scénario, et comme ça, tu vas faire illusion. Et peut-être même que tu vas apporter quelque chose de nouveau au loisir jeu de rôle. Je prends un exemple, Eugénie, là, du blog Je ne sais pas, Je ne suis pas MJ, mais a découvert le jeu de rôle assez tard, quoi. Presque à l'arrivée à la trentaine. Et elle venait du théâtre d'impro. Et en fait, elle a hyper injecté ce qu'elle savait du théâtre d'impro dans le jeu de rôle. Et là, carrément, si tu veux inventer une nouvelle façon de jouer. Bon, c'est là on parle pas de masterisation, mais plutôt de PJ, mais c'est pour te donner une idée que voilà, il y a pas mal de gens en fait qui viennent d'autres milieux que le jeu de rôle et qui vont apporter. De toute façon, je vais pas m'étendre là de plus pour que tu vois ma vidéo sur ce que les noobs peuvent nous apprendre du jeu sur le jeu de rôle. Ensuite, bon, là, je t'ai donné vraiment, là, tu as eu les conseils de survie pour démarrer le pack de base. Alors maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin. Si tu as les poignets musclés, non, c'est pas ce que tu crois. Si tu as les poignets musclés, eh bien, moi, je t'invite à acquérir le livre Mener des parties de jeu de rôle. Donc, le premier livre de la collection Sortir de l'auberge, tu as 400 pages de conseils de maîtrise par divers auteurs, dont votre serviteur. Voilà, je fais un petit papier dedans. Et donc là, tu as plein, plein de conseils, vraiment déjà, si tu lis ça, enfin, tu commences déjà à être... T'es pas niveau 50, mais tu es déjà niveau 10, quoi. Hein, niveau 10, niveau 20, quoi. Tu peux aussi, peut-être un peu plus facile aussi, ben, il y a plein de vidéos sur le mastering sur YouTube, par exemple. Et donc, bah, par exemple, une chaîne que j'ai envie de te conseiller, bah, c'est Le Bon MJ, parce que pour le coup, ce que son nom indique, c'est une chaîne qui est vraiment spécialisée dans les conseils de maîtrise. Donc là, vraiment, tu vas trouver des biscuits. Lors des débriefs de tes parties, bah, pendant tes parties, tu dois demander régulièrement si ça va autour de ta table. Donc, un petit peu prendre la température de ta table, voir si ton mastering il est adapté à ta table. Et puis, en débrief, bon bah voilà, est-ce que vous vous êtes amusé, est-ce que c'était bien, pas bien, mais surtout tu vas demander, est-ce que vous avez des conseils à me donner pour la prochaine fois, enfin voilà. Et donc du coup, en rapport avec l'expérience qu'ils viennent d'avoir, les personnes de la table vont te donner des conseils, dire oh, la prochaine fois quand tu maîtrises, tu peux peut-être faire tenter ceci, cela quoi. Voilà. Avant-dernier conseil, partage la narration. Bah dis donc, ok, j'ai mis du temps à arriver à des conseils de bobo vegan gauchiste, hein. T'as vu, je fais quand même des efforts. Partage la narration. Eh bien, en fait, concrètement, bah, si t'as pas d'idée, bah, c'est encore le mieux, c'est de demander des idées aux joueuses, quoi. Donc, genre, il y a une joueuse qui dit, mais attends, pourquoi le méchant, il fait ça? C'est trop bizarre, quoi. Et là, attends, là, tu gardes Poker Face, parce qu'en fait, tu te rends compte que elle vient directement te taper dans un angle mort de ton scénario et tu sais pas, t'es pas du tout au fait des motivations de ton méchant, quoi. Et ben tu regardes la joueuse d'un air de voilà de MJ qui partage la narration, quoi. Puis tu dis, ah ouais, c'est vrai ça. C'est vrai que c'est. Mais à ton avis, pourquoi il fait ça? Et puis moi, la joueuse va donner des pistes comme ça. Après, tu peux le faire de façon beaucoup plus cash, en faisant du world building, parce que tu vois, en cachant pas que c'est de la narration partagée, quoi. Parce qu'il ne faut pas non plus prendre des joueuses pour des nouilles. Hein. Ensuite, dernier conseil, hein, voilà, encore un conseil de bobo gauchiste vegan. Bah, utilise peut-être des jeux qui sont faits pour débuter, quoi, et surtout, plus encore que des jeux faits pour débuter, parce que des fois, on a un peu des. Ah bon, même si je trouve que j'ai lu quelques trucs d'initiation, j'aime bien ce que je lis, je suis assez satisfait, mais surtout, je pense, va surtout sur des jeux plug and play, quoi, qui ne vont pas te demander beaucoup de charge mentale. Que t'as juste, ben, que tu peux dérouler comme ça facilement. Bon, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quand même quelques-uns. Bah, par exemple, il y a certains PBTA qui sont vraiment bien faits dans ce sens. J'ai l'impression que, par exemple, The Bluebird Bride, si tu aimes les jeux d'horreur, avait l'air très, très plug and play. Donc, vraiment, c'est un type de jeu. En tant qu'MJ, tu as juste à t'essayer de porter, tu suis les procédures, c'est cool. Bon, bah, tu sais que j'ai conçu un jeu qui va un peu dans ce sens-là, qui s'appelle Biomass. Donc, Biomass, c'est censé vraiment être plug and play. Je l'ai testé pour toi, ça marche. Hein. C'est vrai que tu peux dérouler en fait le jeu sans l'avoir lu au préalable. Ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, bah, encore une vidéo longue. Mais oui, mais je me plie en quatre pour te donner du contenu, du fond et tout. Je peux pas le torcher en 6 minutes, ce serait te manquer de respect. On est d'accord? Bah, de toute façon, si tu t'es barré, tu peux même pas me répondre. Donc voilà, écoute, fais brûler le feu et la glace dans les commentaires. Envoie-moi de l'amour, des tips. Moi, je te fais des gros bisous, on se dit à la prochaine. Bisous.